Vous avez fait de belles affaires avec vos beaux sentiments. Que veux-tu ? J'ai un scrupule là-dessus que l'exemple ne saurait vaincre. Vous moquez-vous de le prendre sérieusement avec un homme comme cela ? Ne voyez-vous pas qu'il est fou ? Et vous coûtait-il quelque chose de vous accommoder à ses chimères ? Tu as raison, mais je ne croyais pas qu'il fallut faire ses preuves de noblesse pour être gendre de M. Jourdain. De quoi ris-tu ? D'une pensée qui me vient pour jouer notre homme et vous faire obtenir ce que vous souhaitez. Comment ? L'idée est tout à fait plaisante. Quoi donc ? Il s'est fait depuis peu une certaine mascarade qui vient le mieux du monde ici et que je prétends faire entrer dans une bourre que je veux faire à notre ridicule. Tout cela sent un peu sa comédie, mais avec lui, on peut hasarder toute chose. Il n'y faut point chercher tant de façons. Et il est homme à y jouer son rôle à merveille, à donner aisément dans toutes les fariboles qu'on s'avisera de lui dire. J'ai les acteurs, j'ai les habits tout prêts, laissez-moi faire seulement. Mais apprends-moi. Je vais vous instruire de tout. Retirons-nous, le voilà qui revient.